troisième temps de notre série sur Karl Marx, en prélude au week-end de France Culture consacré, donc le week-end prochain, au centenaire de la Révolution soviétique. Après avoir reçu Thomas Piketty, lecteur critique de Karl Marx, c'était lundi, puis hier avoir suivi les pas du jeune Marx dans son séjour parisien, nous allons ce matin, en compagnie de Jonathan Sperber, professeur d'histoire à l'Université de Missouri, embrasser la totalité de la vie de l'auteur du Capital qu'il vient de raconter dans sa biographie parue tout juste chez Piranha. Une existence qu'il replace dans son siècle, le 19e, et c'est important, selon lui, il va nous raconter tout cela, traduit par l'ami Xavier Combes. Bonjour Xavier Combes. Bonjour Emmanuel. Et bonjour à vous Jonathan Sperber. Bonjour. Et merci d'être avec nous donc à l'occasion de votre séjour parisien. Ça n'est pas le séjour parisien de Karl Marx qui a duré un peu plus longtemps que le vôtre. Mais vous êtes donc dans la foulée des rendez-vous de l'histoire de Blois où vous êtes rendu. Vous êtes dans notre studio pour évoquer votre biographie de Karl Marx, homme du 19e siècle que vous venez de faire paraître donc aux éditions Piranha. Alors arrêtons-nous déjà sur ce terme, homme du 19e siècle. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a que ce siècle qui puisse expliquer Karl Marx et que, d'une certaine façon, il est déjà rangé dans le 19e siècle et donc il ne nous parle plus aujourd'hui, Jonathan Sperber? Marx est né il y a 200 ans, mais il est étonnant de voir à quel point les gens considèrent que Marx est un contemporain. C'est lui qui a perçu la mondialisation et les crises financières mondiales. C'est lui qui est responsable du stalinisme et des crimes noirs du XXe siècle. Notamment dans le cadre de la guerre froide, Marx a toujours été considéré comme un contemporain. Mais comment est-ce qu'il pouvait avoir une telle vision d'avenir? Comme je le dis dans mon ouvrage, en fait, c'est un magicien, ce Karl Marx. Moi, je dirais que le temps est venu de considérer Marx non pas comme un de nos contemporains, mais comme un homme du 19e siècle. 19e siècle, qui est une époque de plus en plus distante, qui nous est de plus en plus étrangère. Dans cette biographie, je présente Marx comme un homme du 19e siècle et en fait un homme un petit peu rétrograde. Je m'explique. Il voyait le futur du capitalisme à l'aune de l'âge révolutionnaire de 1789. Ce n'est pas lui qui avait hâte d'être projeté dans l'avenir. J'aime bien comparer Marx à Luther. Martin Luther, autre personnage qui a eu un impact immense sur le monde moderne, mais qui regardait en arrière plus qu'en avant. Marx, de la même façon, a eu un impact sur notre vie, même aujourd'hui, mais il est quand même un personnage de l'âge de la révolution démocratique. Donc, la fin du 19e, le tout début du 20e. Et d'ailleurs, vous insistez beaucoup là-dessus dans votre biographie, Jonathan Sperber, en disant par exemple qu'il faut se replonger dans cet âge de l'Allemagne, qui n'est pas encore l'Allemagne unifiée que nous connaissons aujourd'hui, qui est une Allemagne qui regarde, qui a ses regards tournés par exemple vers la Révolution française. Vous rappelez que le père de Karl Marx a été impliqué dans un épisode du club casino de Trèves, la ville où il vivait, dans lequel il avait chanté avec d'autres le 25 janvier 1834 des chants révolutionnaires qui s'appelaient la Parisienne, l'hymne national polonais. Il faut rappeler l'importance qu'a la Pologne dans l'imaginaire européen du 19e siècle, mais aussi la Marseillaise. Effectivement, ce sont des bourgeois de Trèves, cette famille, et ce sont des bourgeois qui ont un regard tourné vers l'expérience révolutionnaire, et cela a de l'importance puisque en 1834, Marx a 15 ans à ce moment-là. C'est ainsi que Marx a commencé sa vie dans la politique quand elle était. Il s'agit de voir la relation entre le marxisme et le royaume de Prusse. Marx's father Heinrich, donc le père de Marx, Heinrich, qui était une sorte de dignitaire, un avocat avec la distinction de la couronne et le casino, donc le rassemblement de la bourgeoisie essentiellement protestante de l'époque, de Trèves. Voilà un groupe dont le gouvernement pensait qu'il serait davantage pro-prussien que les catholiques. Mais une fois qu'ils avaient levé le coude un petit peu et qu'ils avaient abusé de l'alcool, il s'est avéré que ce groupe de personnes que vous avez évoquées, les avocats, les médecins, les hommes d'affaires et même les fonctionnaires, détestaient les Prussiens eux aussi. Et là, c'est une leçon importante qu'a retenue le jeune Marx. Et d'ailleurs, quand il doit choisir en troisième sa langue lorsqu'il est à l'école, il va choisir en troisième langue le français. Plutôt, dites-vous, que l'hébreu, il choisit le latin, le grec, ça c'est normal pour des élites bourgeoises du début du 19e siècle. Mais la troisième langue sera le français, ce qui prouve, et vous le rappelez à de nombreux moments dans votre biographie, Jonathan Sperber, une francophilie de Karl Marx pour les idées, et on le verra plus tard dans notre discussion, pour les mouvements, pour les ouvriers français eux-mêmes, il y a une sorte de francophilie qu'on ne raconte pas souvent de Karl Marx. Il a un intérêt et peut-être même une amitié ou un amour pour la France à ce moment-là déjà. Oui, c'est vrai. Le père de Marx avait envisagé pour son fils une carrière d'avocat. Il faut savoir que le code Napoléon était en vigueur dans le Rhineland jusqu'à l'introduction du Gesetzbuch, donc le code civil allemand de 1900. Donc, un avocat en Rhénanie avait besoin de connaître le français, étant donné l'importance du code napoléonien. Mais les gens de la génération de Marx, qui comptaient des intellectuels qui devaient connaître le français, donc la nation culturellement dominante en Europe, la France à l'époque. Mais cela était particulièrement important dans le contexte allemand, parce que Marx était un personnage qui connaissait le français, qui se sentait plus à l'aise en français qu'en anglais, bien qu'il ait passé pas mal d'années à Londres. Il était toujours au courant des courants intellectuels français. Et on pourrait voir cela par le prisme de sa bibliothèque personnelle. En 1850, 60% des ouvrages sur les étagères de chez Marx étaient en français. Donc voilà un intellectuel allemand qui était profondément influencé par la culture française et la langue française. Ce ne serait plus le cas à la fin du 19e. Il n'y avait que quelques excentriques, comme Nietzsche, qui était influencé par le français. Et en réalité, les Allemands, vers la fin du 19e, ont commencé à mépriser les Français. Mais à l'époque de Marx, c'était pas du tout le cas. Et c'était très marqué, cette francophilie. Nous avons raconté cela dans l'émission d'hier qui traitait du séjour de Karl Marx à Paris entre 1843 et 1845, Jonathan Sperber, mais il faut peut-être le re-rappeler pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu cette émission. Ce que vous décrivez de la vie intellectuelle européenne dans ce moment-là, c'est un immense brassage. Ce sont des gens qui sont toujours en mouvement. En particulier, ces libéraux, puisqu'il est libéral à l'époque, ces libéraux comme le jeune Karl Marx dans les années 1842-1843, qui sont à la recherche de contacts avec des Italiens, avec des Russes, comme plus tard Bakounine, avec des Belges, avec des Français, avec des Anglais, pour pouvoir réfléchir un nouveau mode de la société, une nouvelle façon de concevoir la société. C'est très impressionnant quand on vous lit de voir ce brassage, ce mélange permanent de ces intellectuels, même quand ils ne marchent pas, parce que parfois ça ne fonctionne pas et les nationalités commencent à se confronter. Mais la plupart du temps, ce que vous racontez, c'est cette capacité de parler en plusieurs langues pour tous ces personnages-là, Jonathan Sperber. You know, les démocrates du début du 19e siècle, qui étaient des nationalistes, qui croyaient à l'État-nation et la souveraineté du peuple constitué en nation, étaient quand même des internationalistes. Ils rêvaient d'une Europe affranchie des monarchies et des règnes absolus et de tout ce qui est féodalité. Ils voulaient que les nations et les peuples travaillent ensemble dans l'harmonie. On retrouve ça dans le manifeste communiste, d'ailleurs. Marx et Engels parlent du fait que les différences nationales s'estompent jour après jour pour ne plus être pertinentes. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Les sentiments nationalistes n'ont fait qu'augmenter au cours du 19e siècle avec l'apogée terrible lors de la Grande Guerre. Mais ce rêve des nationalistes qui voulaient donc l'union de tous les peuples d'Europe travaillant en harmonie contre les oppresseurs monarques, eh bien, ça, c'était tout à fait le domaine, l'atmosphère dans laquelle baignait le jeune Marx. Alors, il ne faudrait pas faire de Marx une sorte de saint, et d'ailleurs, vous ne le faites pas dans votre biographie, Jonathan Sperber, parce que vous montrez bien combien, chez un personnage comme Marx, il y a du nationalisme aussi. Il y a des moments où il est véritablement allemand, il se sent allemand contre les autres nations, et d'autres moments où il est internationaliste. Et les deux façons de voir le monde sont mélangées. Vous rappelez que au début de la guerre franco-prussienne en 1870, il écrit une lettre en disant « Les Français méritent une bonne raclée ». Alors qu'il aime la France, alors qu'il a été élevé dans cette langue française, et qu'il y est venu plusieurs fois justement pour pouvoir défendre les ouvriers. Donc, comment tout cela se mélange dans l'esprit de Karl Marx? Oui, il y a une tension, en effet. Lorsqu'il y a la guerre franco-prussienne, Marx et encore plus Engels, qui ont fait montre de chauvinisme à Manchester en 1870, avaient cette idée nationaliste en lui. Ce que l'on peut dire de Marx en particulier, c'est qu'il était exilé. Il a passé la moitié de sa vie, ou la seconde moitié de sa vie à Londres, donc imaginez un Allemand à l'étranger, et par moments il était très irrité par les Anglais, et ses sentiments nationalistes ressortaient en lui. Je pense que Marx a été happé par le nationalisme. Donc, maintenant que nous avons le 11 septembre derrière nous et d'autres événements, je comprends en quelque sorte comment les choses ont évolué dans l'esprit de Marx. Alors, vous dites par ailleurs, parce que vous insistez sur cette question de l'exil qui est fondamentale pour comprendre la personnalité de Marx. Il quitte donc l'Allemagne, il vient en France, il est reparti ensuite, on l'expulse de France pour aller en Belgique. Il revient en Allemagne en espérant pouvoir faire la révolution de 1848. Il est obligé de revenir de temps en temps en France. Il repart définitivement pour Londres. Donc c'était véritablement un exilé. Et ça aurait pu faire de lui, mais ça n'a pas fait de lui, un révolutionnaire professionnel. Vous dites, il a beau être exilé, il aurait pu devenir un révolutionnaire professionnel. Il ne l'a jamais véritablement été. Il avait même parfois un anti-modèle qui était Karl Schaper, qui lui était un révolutionnaire professionnel. Et il n'aimait pas cette, pourrait-on dire, d'après vous, Jonathan Sperber, il n'aimait pas cette position ou cette posture du révolutionnaire professionnel. Au XXe siècle, les révolutionnaires professionnels sont associés au marxisme. Lénine, Trotsky, Staline, Mao, tous ces gens-là. Donc les révolutionnaires professionnels qui vont de pair avec le marxisme, mais pas chez Marx. Marx avait un aspect d'universitaire bourgeois. Il voulait écrire des grands traités philosophiques et économiques. Et en réalité, Marx s'exprimait mal en public. Pas un très bon agitateur des foules. Il zozotait et il avait un fort accent de Rhénanie. Il était difficile à comprendre quand il prenait la parole en public, Marx. Et il ne voulait pas, en fait, jouer ce rôle que jouait Karl Schaper, qui était un intellectuel bourgeois comme Marx. Et Schaper, lui, il adorait la vie des tavernes, et il buvait avec les ouvriers. Et Schaper se lançait dans des diatribes et des discours publics incroyables et il passait sa vie à faire ça. C'était la vie de Schaper, ça. Mais ce n'était pas du tout la vie de Marx. Marx, lui, voulait être professeur. Il était journaliste. Et à cet égard, il y a une ironie. Marx n'était pas un révolutionnaire professionnel. Comme vous l'avez dit, bien que notre vision du révolutionnaire professionnel, ça vient évidemment du marxisme, notamment au XXe siècle. C'est aussi un homme du XIXe siècle, Jonathan Sperber, dites-vous, parce qu'il a une conception du travail en commun qui est assez inimaginable aujourd'hui, dans le sens où la montée de l'auteur en tant qu'auteur d'un livre seul, d'une certaine façon, à la fin du 19e siècle, le sacre de l'auteur, comme on l'a appelé avec les grands auteurs de la fin du 19e siècle, nous fait obstacle, nous empêche de voir que à ce moment-là, on peut écrire un livre à deux, à trois, que S, qui est son ami Moses S, avant de devenir un de ses adversaires, que Engels lui-même, et que bien d'autres ont travaillé au livre de Marx, et qu'on commence un chapitre, l'autre le continue, qu'il y a un travail collectif qui se fait autour de ce travail intellectuel, Jonathan Sperber. Il est vrai que ça existait, ce que vous décrivez. Mais Marx, lui, avait tendance à être un petit peu dominant envers ses collaborateurs et n'était pas toujours prêt à accepter leurs idées. Engels comprenait très bien comment il pouvait influencer Marx, comment ne jamais le confronter ouvertement, mais de façon plus subtile, essayer de corriger certaines idées de Karl Marx. Engels était très diplomate dans ses relations avec Marx. Mais avec d'autres, Engels entrait en confrontation, dénonçait, critiquait les autres. Mais avec Marx, il savait s'y prendre. Il savait bien gérer Marx. Un autre des paradoxes de Karl Marx, expliquez-vous, Jonathan Sperber, dans votre biographie chez Piranha, ce paradoxe, c'est que vous dites c'est bien un homme du 19e siècle qui est aussi le siècle de la conquête coloniale, de la sortie de l'Europe hors de ses frontières, parce que, vous dites, il est quand même très européo-centré. Il est centré sur l'Europe et il n'a pas véritablement une vision mondiale qu'on pourrait attendre de lui, parce que le paradoxe, c'est que les marxistes avaient une vision mondiale, eux, de ce qui se passait. Marx's view of history was very much based on the social and economic development of Europe. L'évolution sociale et économique de l'Europe. When Marx looked at the world, lorsque Marx regardait le monde, il voyait l'Europe et ses colonies en Amérique du Nord et dans les mers du Sud. Le reste du monde, aux yeux de Marx, n'était pas si frappant. Ça n'a pas tellement marqué. Ce que Marx dit de l'évolution en Asie a émané de son travail de journaliste au New York Tribune. Il a traité du colonialisme britannique en Inde. Il a écrit des articles sur les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine. Mais il s'agissait là d'un travail corollaire pour lui, annexe. Le marxisme du XXe siècle, l'impérialisme, le tiers-monde, les révoltes anti-impérialistes, ça c'est donc après Marx. At the time of Marx's death, à l'époque du décès de Marx, il y a eu donc cette grande vague de l'Europe vers l'Afrique et ça ne faisait que commencer. Mais par exemple, vous insistez sur un fait que je ne connaissais pas, c'est que contrairement à des radicaux anglais, qui voit se développer la révolte des Sipayes en Inde, qui est une révolte contre l'impérialisme britannique, celui dont le nom sera resté comme le père de cette idée qu'il faut combattre les impérialismes occidentaux, n'est pas pour cette révolte des Sipayes, il n'est pas pour défendre ces Sipayes. J'ai l'impression que il va de l'autre côté, il considère que cette révolte va retarder l'avènement du capitalisme et qu'en retardant l'avènement du capitalisme, il va retarder la prise de conscience de ceux qui doivent se lever contre ce capitalisme et donc il va retarder cet événement, la révolution mondiale. Marx understood British imperialism Marx in India a compris ce qu'était l'impérialisme britannique en Inde. Pour lui, c'était pratiquement une intervention génocidaire dans une société statique, donc dans toute son horreur, l'intervention britannique. Mais c'était également nécessaire d'apporter une espèce de régressive réactionnaire régime à un end. De mettre fin à ce régime statique. Le soulèvement en 1857 était considéré par Marx comme étant un petit peu comme un soulèvement des Bretons, si vous voulez, donc une espèce de mouvement contre-révolutionnaire. Contre un révolutionnaire capitaliste. C'est très étonnant, cette vision. It's not at all Marxist. Non, c'est pas du tout marxiste, on est bien d'accord. Mais 1857, c'est une date importante, dites-vous, pour Karl Marx, parce que il voit dans ce moment-là, peut-être, la possibilité que ce qu'il attend, et ce qui a été raté en 1848, advienne, c'est-à-dire une contagion révolutionnaire sous le coup d'une crise du capitalisme, Jonathan Sperber. 1857 était vraisemblablement la première récession mondiale. Et Marx, qui attendait depuis 1849 une nouvelle vague de révolution en Europe, était tout à fait excité à cette idée. Il espérait voir l'avènement. Ce qu'il attendait. Bien entendu, ça n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, il y a eu la guerre de Napoléon III contre les Autrichiens en Italie en 1859, ce qui a posé la question de l'unité nationale allemande et les activités politiques de Marx se sont orientées vers cela. Marx était déçu. Et à partir de là, il a eu tendance à minimiser l'importance des crises capitalistes dans le capital. Il ne traite pas tellement de crises. Et Marx n'avait plus tendance à placer les crises au centre de son analyse du capitalisme. Et c'est d'ailleurs ce que vous semblez regretter, Jonathan Sperber, parce que vous dites, il a une intuition au moment de cette crise de 1857, Karl Marx. C'est primo que le crédit joue un rôle important. C'est le moment où il y a un crédit particulier qui est inventé en France par les frères Perrer, dont on a parlé dans une émission la semaine dernière sur France Culture. Et c'est aussi l'idée que, comme un jeu de domino, un pays qui rentre en crise peut provoquer la crise du pays voisin et ainsi de suite provoquer une crise globale. C'est une intuition assez géniale, dites-vous, mais au bout du compte, il va finir par l'abandonner et ne pas la réintégrer dans son œuvre majeure qui est Le Capital, Jonathan Sperber. Le crédit immobilier des frères Perrer, aux yeux de Marx, c'était la première banque de Marx qui venait donc de la vente d'actions. Donc c'est très moderne. Marx voyait les frères Perrer comme des escrocs. Dans son article dans le New York Tribune, il a écrit que la banque pouvait emprunter à hauteur de 10 fois son capital. Donc un levier de 10, si vous voulez. Donc Marx était horrifié par cela. Évidemment, vu ce que fait le capitalisme aujourd'hui, Marx se retourne dans sa tombe, évidemment. Mais, et on peut voir Marx à l'aune de ses capacités à prévoir ce qui se passe, donc cette grande crise financière de 2008 que nous avons connue. Marx l'avait en quelque sorte prédit. Prenons des actions d'une société ferroviaire avec les frères Perrer, et bien mettez ça en parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, et bien c'est un petit peu comparable. Et c'est assez typique de Marx. Ses grandes visions venaient de ses écrits journalistiques et pas de ses traités économiques très sophistiqués. Donc ça, c'est tout à fait habituel pour Marx que de puiser ses réflexions dans son travail de journaliste. Un rap chinois écrit par Zhuo Xina qui a été un succès en Chine en 2016 et qui dit en fait que Marx est un personnage des années d'après les années 1990 et le rap dit qu'en fait la personne est en train de lire Marx et qu'elle découvre combien c'est plus important de lire Marx que de lire les magazines en l'occurrence, qui prouve qu'il y a encore effectivement des gens qui lisent Marx aujourd'hui. Jonathan Sperber, je rappelle que vous êtes notre invité pour le troisième temps de notre série consacrée à Karl Marx et que vous êtes l'auteur chez Piranha donc de Karl Marx, homme du 19e siècle. Je voulais m'arrêter sur un autre moment très intéressant de la réflexion de Karl Marx, c'est ce, évidemment, c'est la création de l'Association internationale des travailleurs. On en avait parlé dans une émission il y a peu de temps dans La Fabrique de l'Histoire. Un moment presque accidentel, dites-vous. Voilà un personnage de Marx qui se trouve à Londres. Il est sollicité par un Français qui vient le voir et qui lui dit « On va faire une réunion pour pouvoir réfléchir à l'organisation des travailleurs. Est-ce que vous voulez en faire partie ?» Il va à cette réunion et de cette réunion naîtra la première internationale qui s'appelle à ce moment-là l'Association internationale des travailleurs. Et on voit dans votre biographie combien Karl Marx est à la fois très présent et assez absent de cette Association internationale des travailleurs, comme s'il était derrière la coulisse, en train de regarder ce qui est en train de se passer, Jonathan Sperber. Marx, je vous l'ai dit, ne savait pas très bien s'exprimer en public. En effet, il préférait travailler en coulisses. He was good at it. Ça, il savait faire. He was able to direct the Marx activities of savait the association diriger les activités de cette association. Many years ça a duré de nombreuses années jusqu'à ce qu'il y ait des conflits à l'époque de la guerre entre la France et la Prussie et créé une crise avec la Commune de Paris. Et c'est ainsi que cette association a cessé d'exister. Donc, c'était une aventure pionnière et c'était le grand engagement politique de Marx vers le milieu de sa vie. Qu'est-ce qui explique, Jonathan Sperber, que ce lecteur boulimique qui lit énormément, il lit beaucoup de livres, il lit tout le temps, s'attache autant à des amis, des auteurs qui lui sont proches, qu'il admire profondément, et se détache aussi rapidement de ces personnages-là. Le nombre de fâcheries, le nombre de d'engueulades, dirait-on en français, entre Marx et ses anciens amis est considérable. On a l'impression qu'il prend, qu'il puise la pensée d'un de ses proches, qu'il est ami avec lui et qu'une fois qu'il n'en a plus besoin, il le jette. Quelle est cette impression qu'on peut avoir de cette relation très particulière qu'a Marx avec d'autres intellectuels de son temps? Marx did go through collaborators very quickly. Marx jetait ses collaborateurs assez fréquemment. As a young man, there's a whole list of them: Bruno Bauer, Moses Hess, Arnold Ruge, Proudhon, Karl Grun. Marx was close to them, broke with them. Marx était proche de ces gens-là. Il les a critiqués. Il a défait les liens qui les unissaient. Ce que faut dire de Marx, c'est que lorsqu'il voulait faire de l'autocritique, il le faisait en condamnant d'autres. Donc c'était un moyen d'autocritique assez subtil. Il critiquait les autres, il avait des polémiques contre Karl Grun, par exemple, et sa critique, en fait, sa propre position que lui-même avait tenue. Donc il ne pouvait pas faire son autocritique sans critiquer les autres. Et le 18 Brumaire, où il taxe les révolutionnaires de 1848 de vouloir recréer 1789 et 1793. Il les taxe d'être des naïfs, des grands naïfs. Mais Marx n'a pas ajouté qu'en tant que révolutionnaire lui-même, en 1848, il a tout fait pour recréer 1793 en Allemagne. C'est ainsi qu'il avançait, Marx. C'est ainsi qu'il critiquait ses propres propos en critiquant les autres. Alors évidemment, ça a créé quelques petites frictions, comme vous l'avez dit. Parce que vous avez insisté, et beaucoup des biographes de Marx ont insisté là-dessus, c'est son talent de plume. C'est un polémiste exceptionnel. Lorsqu'il s'attaque à quelqu'un, la méchanceté, la pique est terrible et peut, d'une certaine façon, assassiner collectivement, de façon publique, et peut assassiner publiquement un personnage qu'il n'aime pas ou qu'il n'aime plus. Marx did that a lot. Oui. His best polemics were when he could keep himself in check. C'est le 18 Brumaire, la guerre civile en France, montrait un petit peu ce dont Marx était capable. Mais lorsqu'il se lâchait, il ne se retenait pas et qu'il se noyait dans cette haine et dans son vitriol, les grands hommes de l'exil, par exemple. Donc il se lâchait et il est allé au-delà de ce qui était nécessaire dans ces polémiques. De ce point de vue-là, il était un petit peu excessif. Ça n'est pas le caractère le plus plaisant de Karl Marx. Ça n'est pas ce que vous préférez chez Karl Marx, cette plume très, très acerbe, très acide. Vous n'aimez pas trop cela? Si j'avais côtoyé Marx, je pense que je me serais engueulé avec lui, comme vous dites. Revenons sur un fait intéressant et important dans la biographie de Karl Marx, c'est l'invention du terme de prolétariat, la façon dont il invente un terme qui va devenir un terme générique pour l'ensemble du 19e siècle et du 20e siècle. Et vous vous arrêtez sur cette question-là de façon très intéressante parce que il a besoin d'un mot qui résume ce qu'il pense, au moment où il le pense, un peu avant 1848, à ce moment-là. Et ce mot, il l'invente parce qu'il va avoir un tel succès ensuite que, d'une certaine façon, ce mot va lui échapper. Ça ne va plus appartenir à Karl Marx. C'est un mot qui va rentrer dans le moment collectif que nous vivions entre sa mort et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il invente le prolétariat? Qu'est-ce qui était derrière ce mot avant qu'il ne soit devenu autre chose? Okay. This goes back to Marx's complex and difficult relation with Hegel. On remonte aux relations complexes entre Marx et Hegel. Hegel qui était une figure complexe. Hegel voyait l'histoire humaine comme étant le produit de ce qu'il appelait l'esprit absolu, la conscience collective. Hegel associait cela à la divinité. Les jeunes hegéliens, les critiques athées de gauche de Hegel, ont trouvé d'autres moyens de, d'envisager la, l'histoire de l'humain, le Feuerbach, le matériau sensuel de l'homme, et ils trouvaient cela chez et chez Marx a été le moteur de tout cela, c'était la lutte des classes, et Marx a commencé à voir le prolétariat comme était un agent similaire de celui de l'esprit absolu chez Hegel. À l'époque, l'association de Marx avec les artisans de Paris, qui n'étaient pas des prolétaires, donc ils travaillaient dans des petits ateliers où il n'y avait pas du tout de machines à vapeur. Marx n'a pas connu de prolétaires, mais il les a inventés sous forme d'une classe pour travailler ses aspirations qu'il a puisées chez Hegel vers un avenir social idéal, où l'objet social, les idées, la nature, la société civile, l'État feraient l'objet d'une grande convergence et d'une réconciliation. Oui, c'est quand même formidable d'avoir inventé un terme comme celui-ci qui a été ensuite récupéré par tout un tas d'autres penseurs et qu'ils l'ont utilisé très différemment de ce contexte de naissance que vous décrivez d'un intellectuel allemand qui arrive à Paris, dans un Paris d'artisan et pas d'ouvrier, et qui se dit, il y a quelque chose à faire avec ce terme de prolétariat. That's true. What more can I say about that? The oui, person who knew about the proletariat was his friend Engels. Engels, lui connaissait le prolétariat. Engels travaillait dans l'usine de textile de son père. Il travaillait dans un bureau, mais il connaissait les prolétaires, lui. Voilà. Et lorsque Marx voulait savoir ce qu'était la vie dans une usine, et bien il se tournait vers Engels pour avoir des informations. Parce qu'il n'en savait rien lui-même. Il ne le connaissait. Non, la seule connaissance de Marx émanait de ses lectures, les lectures d'économistes et de journalistes. Il avait très peu d'expérience, il avait très peu côtoyé d'ouvriers d'usine. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est fort intéressant dans votre biographie de Karl Marx, Jonathan Sperber, chez Piranha, c'est que un autre terme qu'il met sous sa plume et qui va avoir évidemment une destinée très différente de ce qu'il voulait dire, c'est le terme de « sur la question juive ». Il écrit dans les Annales franco-allemandes, lorsqu'il est à Paris, en 1844, il écrit avec Arnold Rougeux ce volume de discussion sur le rapport au prolétariat ou le rapport au monde ouvrier. Et il écrit un article spécifique qui s'appelle « sur la question juive ». Et vous dites, on a du mal aujourd'hui à lire cet article parce que il y a eu le XXe siècle, il y a eu évidemment le nazisme, il y a eu la Shoah, et donc cet article est difficile à comprendre aujourd'hui pour un penseur ou un intellectuel comme vous aujourd'hui, Jonathan Sperber. That's a good question, and we could probably spend several hours talking about it. Nous pourrions y consacrer quelques émissions. Je vais tâcher d'être concis. In the course of Marx's life, au cours de la vie de Marx, l'image du juif, l'existence du juif, tout cela a connu une immense évolution. Quand on était jeune homme et qu'on était juif, il s'agissait d'une affiliation culturelle et religieuse. Marx lui-même était donc d'origine juive, il a été baptisé à l'âge de 5 ans, il a été élevé dans le protestantisme, et le premier texte que l'on a de Marx, c'est son abitur, autrement dit son baccalauréat. Dissertation, interprétation de l'évangile selon Saint Jean. Marx renounced his religion. A renoncé à la religion. Il s'est intégré dans la culture allemande. Il a critiqué d'autres juifs qui n'avaient pas fait la même chose. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre sur la question juive. Le temps a passé, Puis il y a eu l'origine des espèces de Darwin qui a été publié, et à ce moment-là, il y a eu un point de vue plus biologique de l'évolution de l'homme, et les Juifs ont été considérés comme une race avec des caractéristiques raciales distinctes que l'on ne pouvait pas changer par affiliation culturelle ou religieuse. À la fin de la vie de Marx, et dans ses rubriques nécrologiques, on disait qu'il était biologiquement juif, donc c'est très particulier. Hein. Donc, il faut interpréter les écrits de Marx à propos de sur la question juive. Donc, dans l'époque, à l'époque, il y avait donc une affiliation culturelle et religieuse pour les juifs, mais il faut considérer cela à lumière du darwinisme. Et en effet, les choses sont difficiles à interpréter. Oui, parce que c'est la naissance non plus de l'anti-judaïsme comme c'était auparavant, mais d'un antisémitisme qui naît à la fin du 19e siècle. On comprend bien cela, Jonathan Sperber, mais néanmoins, ce texte sur la question juive peut choquer, en particulier par le rapprochement que Marx fait du juif et du capitaliste, qui a été une des figures de l'antisémitisme ensuite. Et donc, on se demande pourquoi Marx écrit cela dans ces années 1844, alors que plus tard, effectivement, ce topos du juif lié à l'argent va devenir le principal argument de tous les antisémites de la planète. That's very true. Oui, c'est tout à fait juste. Là, il s'agit d'une question compliquée. Je vais essayer d'expliquer les choses clairement. Sur la question juive, c'était une véritable question. La question était de savoir si les Juifs d'Europe centrale devaient avoir des droits égaux par rapport aux chrétiens, s'il devait y avoir un gouvernement, une société qui considérait la religion comme étant une affaire privée sans aucune relation à la citoyenneté. C'était des conservateurs qui ont rejeté cette idée. Ils disaient que pour être allemand, il fallait être chrétien. Et une partie centrale de l'attitude de la gauche, c'était que les juifs devaient jouir de droits égaux et être émancipés. Et donc, sur la question juive, Marx insiste là-dessus. Si c'était arrêté là, ça aurait été très bien. Mais il a encore fait preuve d'excès. Il a poursuivi son propos parce que, et c'est intéressant, ça fait partie de la critique du judaïsme du point de vue des protestants libéraux. Tous les jeunes hegéliens, les intellectuels marxistes, étaient tous des théologiens. Contrairement aux protestants conservateurs qui critiquaient les juifs parce qu'ils ne croyaient pas donc à Jésus, la divinité de juifs, eux non plus n'arrivaient pas à y croire. C'était des unitariens. Et ils disaient que le judaïsme était une religion inférieure, limitée aux élus, donc, impliquant des rites et des tabous religieux plutôt que des actes de conscience liés à la morale. Et donc, ils devaient être considérés comme inférieurs. Donc, c'est là qu'on arrive aux juifs égocentriques et attirés par l'argent. Marx a dit oui, c'est tout à fait comme le capitalisme d'ailleurs, et comme les capitalistes, et comme de nombreux contemporains, donc Heinrich Heine, il dit que ce qui est caractéristique de la société capitaliste, c'est que les Juifs ont repris l'attitude des chrétiens par rapport à l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que les théologiens protestants allemands avaient cette idée de l'infériorité des Juifs très tôt. Hein. Qui était peut-être hérité de la pensée luthérienne. Une partie de la pensée de Luther était peut-être derrière tout cela. Oui, mais c'est un petit peu différent parce que c'est une chrétienté éclairée qui rejette la Trinité. Et la théologie de Luther. Mais Marx reprend ce point de vue, donc. Et ça, c'est intéressant. C'est très difficile d'accepter, particulièrement dans le contexte actuel. Mais dans ce contexte de l'époque, du 19e siècle, donc, On ne peut pas démontrer les choses, mais on peut voir comment les choses ont évolué et en quoi cela diffère de l'antisémitisme des régimes totalitaires du XXe siècle. Alors, il y a une question que je voulais vous poser, Jonathan Sperber, parce que il n'y a pas beaucoup de biographies récentes de Karl Marx. La vôtre en est une, elle date d'il y a 2 ou 3 ans aux États-Unis et elle vient d'être traduite en français. Cette biographie est très récente et en regardant et en préparant cette émission, je me suis aperçu, nous nous sommes aperçus à l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, que beaucoup des renouvellements de cette recherche sur Karl Marx et sa vie, sur Karl Marx et son œuvre, nous venaient des universités américaines. Il y a eu des colloques, récemment encore, un grand colloque international qui s'est tenu, je ne sais dans quelle université, autour de Karl Marx et de son œuvre. Et d'une certaine façon, nous avons l'impression, peut-être à tort, qu'il y a moins de chercheurs, moins d'universitaires qui s'intéressent ces temps-ci à l'œuvre de Karl Marx et à sa postérité que dans les universités américaines. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous avez aussi cette impression, Jonathan Sperber ? Ça fait 45 ans que je travaille dans les universités américaines, le temps passe. Et je crois qu'on a assisté à 3 grandes étapes dans l'évolution des comportements vis-à-vis de Marx. Quand j'étais jeune homme, étudiant, les idées marxistes, on les trouvait surtout chez les sociologues. Donc étudier la société, c'était considéré comme subversif. C'était le macartisme. Et la guerre froide qui n'était pas encore terminée à l'époque. Dans les années 70 et 80, ensuite, on a assisté à l'intérêt de Marx dans l'esprit des historiens. Et moi, je faisais partie des gens intéressés par Marx à cette époque. L'influence de E.P. Thompson et Eric Hobsbawm, grands historiens britanniques, eux ont eu une grande influence sur les historiens américains. L'association des historiens américains a mené une enquête auprès de ses membres pour demander qui étaient les livres les plus influents. D'abord, il y avait la Bible dans l'esprit des historiens. En deuxième, il y avait l'étude de E.P. Thompson sur la classe ouvrière anglaise, juste après la Bible. Plus récemment, troisième étape, les historiens se sont quelque peu détournés des idées marxistes, ou du moins ils les ont brassées avec les questions de féminisme ou des questions de race, la classe n'est plus ce qu'elle était, si vous voulez. Et au cours des 25 dernières années, le marxisme dans les universités américaines est essentiellement dans le domaine de la littérature. Et là, c'est l'influence française qui est à l'œuvre. C'est l'influence du structuralisme des structuralistes français sur la critique littéraire américaine. Et c'est ainsi qu'il y a un renouveau de l'intérêt de Marx, mais dans les cercles littéraires des universités américaines. Moi, je suis historien et je suis sociologue à mi-temps et je dirais que les littéraires connaissent bien la société, certes, mais c'est quand même intéressant de voir comment les choses ont évolué. Donc, ces 3 phases du marxisme dans l'université américaine. Évidemment, les choses sont différentes en France. Il y a une très grande désillusion par rapport à Marx dans les années 80. Ça n'a pas été le cas aux États-Unis parce que nous n'avions pas la même influence du marxisme d'un point de vue historique. Donc il y a cette situation tout à fait remarquable, cette dichotomie entre les États-Unis et la France. Et on s'intéresse beaucoup à Marx dans les universités américaines à l'heure actuelle. Et vous intéressez beaucoup à Marx dans ces universités, mais avez-vous l'occasion de discuter dans le monde entier avec d'autres historiens et dans d'autres pays qui, eux aussi, renouvellent la vision que l'on peut avoir de Marx et de son œuvre. Est-ce que vous voyez, dans les colloques internationaux, des sphères d'influence, des lieux dans lesquels l'influence de Marx se ranime, devient plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant ? You know, there's been an immense rise in... On s'intéresse de plus en plus à Marx dans la communauté des intellectuels, mais aussi du point de vue de l'opinion publique, notamment à la faveur, si je puis dire, ou la défaveur de la crise financière de 2008. Votre président français, Nicolas Sarkozy, on l'a pris en photo avec Le Capital à la main. Trop drôle. Mais les historiens qui s'intéressent à Marx, notamment en Allemagne, le grand projet de publication des œuvres de Marx et Engels, tous les gens qui ont travaillé là-dessus étaient moins impressionnés. Est-ce que Marx a prévu la grande crise financière de 2008? Je n'en suis pas véritablement certain. Mais l'intérêt que l'on porte à Marx est parfois superficiel, il faut bien le dire. Et ce, à la fin de ce gros ouvrage que vous avez écrit, Jonathan Sperber, et qui est une biographie très conséquente de plus de 500 pages sur le Karl Marx, l'homme du 19e siècle, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce personnage? Est-ce qu'il y a un moment ou plusieurs moments de cette vie de Karl Marx qui vous servent de boussole, vous servent de vision du monde? Est-ce que la complexité de ce personnage, dont on a dit qu'il était parfois et l'un et l'autre, qu'il était nationaliste et internationaliste, vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus maintenant que vous avez terminé cette biographie dans Karl Marx? Perhaps the biggest thing that I found was the difference between Marx and Marxism. Le plus important que j'ai trouvé, c'est peut-être la différence entre Marx et le marxisme. Les disciples de Marx au XXe siècle, qu'il s'agisse des sociodémocrates d'Europe centrale, des tenants de la révolution capitaliste, the anti-imperialist insurgents in Asia and Africa, impérialistes en Afrique ou en Asie, the young people of 1968, les jeunes manifestants de 68, particulièrement en France, mais partout dans le monde aussi, the more recent interest among l'intérêt récent que l'on trouve dans l'esprit des critiques littéraires. What they're really, it's less Marx's ideas. Ils s'intéressent moins aux idées marxistes qu'au personnage, qu'à l'icône de Marx, révolutionnaire, intransigeant, l'anticapitaliste. Et on est au carrefour entre le personnage de Marx, homme du XIXe siècle, et les mouvements que l'on a vus au XXe siècle sous la bannière prétendue de Marx, bien que les mouvements auxquels on a assisté ont très peu à voir avec la pensée de Marx. Marx, évidemment, c'est l'icône, la grosse barbe, le drapeau rouge. C'est surtout ça que l'on retrouve au carrefour des mouvements du XXe siècle et de la pensée de Marx, qui est un petit peu lointaine dans tous ses esprits. Merci beaucoup, Jonathan Sperber, et merci à vous, Xavier Combe, d'être venu dans notre studio. Et on aura intérêt, effectivement, si on veut dépasser l'image ou dépasser l'icône, à vous lire donc dans cette grosse biographie donc chez Piranha, Karl Marx, l'homme du XIXe siècle. Merci beaucoup. Oh, thank you for giving me the opportunity. It was great. Et merci, Xavier Combe. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Anthony Thomasson était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger aussi longtemps que vous le souhaitez, du moins pendant un an après sa diffusion. Vous pouvez répondre à nos questions ou nous interpeller sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.